Moi, je suis Nathalie Coudet, je représente une association qui s'appelle Deux Ailes Léger et Local, qui œuvre à la réduction des déchets à la source, qui s'est montée pour plutôt encourager les professionnels de la production, de la distribution, pas les consommateurs, mais les professionnels à aller vers la réduction des déchets par tous les moyens. Donc, qui fait du conseil, de l'accompagnement, de la sensibilisation, qui a rejoint le mouvement Zero Waste, si vous ne savez pas ce que c'est, j'expliquerai en atelier, et qui a un projet d'ouverture d'un commerce sans emballage sur Marseille prochainement à la fin de l'année, si tout va bien, si on obtient les financements qu'on attend. Voilà, en quoi ce qu'on apporte au mouvement de la transition, c'est la réduction des déchets, ça, je pense que c'est évident. Et les besoins qu'on a, c'est de l'appui sur ce mouvement Zero Waste localement pour faire bouger les collectivités et de l'appui pour la boutique. Voilà. Super, merci.